L'émotion est la force dont se sert l'âme pour emprisonner l'homme dans la chair. C'est la force dont se sert l'âme pour faire vieillir l'homme. C'est la force dont se sert l'âme pour amener l'homme à la mort lorsqu'il n'a plus de force, parce qu'il a tout perdu de sa force à cause de l'émotion. Et autant l'émotion dans la vie de l'homme lui sert, lui a permis d'être heureux, lui a permis de s'amuser, autant l'émotion dans la vie de l'homme lui a permis de souffrir inconsciemment. Et un jour, les plus forts, ceux qui sont de plus dans leur intelligence, ne pourront plus vivre d'émotion. Ils n'auront plus besoin d'émotion. Et lorsqu'un homme n'a plus besoin d'émotion, il n'a plus besoin de s'interroger sur la valeur de sa vie. Lorsqu'un homme n'a plus d'émotion, il n'y a plus en lui cette petite interrogation, ce petit laps de temps dans son mental où il s'interroge sur la valeur de sa vie parce qu'il n'a plus de valeur dans sa vie. Lorsqu'il n'y a plus de valeur dans la vie de l'homme, l'homme est dans la vie. Tant qu'il y a de la valeur dans la vie de l'homme, l'homme n'est pas dans la vie, il est dans l'existence de cette valeur, et c'est l'existence de cette valeur qui lui donne le bonheur ou la joie, ou la peine, ou la souffrance de cette pénétration de l'intelligence de l'âme dans le mental et dans l'émotionnel de son existence. Un homme doit être suffisamment dans l'intelligence, suffisamment centrique pour qu'il ne puisse jamais voir de différentiel entre l'existence sur le plan matériel ou l'existence sur le plan supérieur. Un homme doit être suffisamment dans l'intelligence, autrement dit suffisamment libre de l'intelligence de l'âme qui constamment lui envoie ses messages dans le mental et dans l'émotionnel qui lui fait constamment demander, poser des questions sur la valeur de sa vie. Et un homme qui cesse de se demander des questions sur la valeur de sa vie commence à être dans sa vie. Et un homme ne peut pas cesser de se demander des questions sur la valeur de sa vie tant qu'il n'est pas dans l'intelligence de sa vie. Et lorsqu'un homme est dans l'intelligence de sa vie n'a plus de valeur parce que sa vie est réelle. Alors, tout ceci, la valeur de la vie est liée à l'intelligence de l'âme et de son pouvoir sur l'homme. C'est ce qui a donné naissance à la philosophie. C'est ce qui a donné naissance à la recherche spirituelle. C'est ce qui a donné naissance à la forme pensée qui a instruit l'homme depuis des siècles. C'est ce qui a empêché l'homme d'être dans l'intelligence. C'est ce qui a empêché l'homme de comprendre les vrais fondements de la métaphysique universelle, de la cosmogenèse universelle. Autrement dit, de comprendre les vrais fondements de la réalité qui sous-tendent tout ce que l'homme peut voir sur le plan matériel ou sur les plans subliminaux. Alors, c'est à outrance, dans le cadre d'une psychologie existentielle, de dire à l'homme que l'homme doit un jour ne plus avoir besoin de chercher ou de découvrir ou de sentir ou de palper ou de vouloir toucher à une valeur quelconque. Je vous le dis, demain, l'homme n'aura plus besoin de s'assurer d'une valeur dans sa vie. Et tant que l'homme s'assure d'une valeur dans sa vie, il cherchera par tous les moyens à se créer une valeur dans la vie et la valeur qu'il se créera, qui conviendra à son tempérament et à son caractère, sera une valeur qui provient de l'intelligence de l'âme et qui fait partie de l'intelligence de l'âme, qui fait partie de la superimposition de l'intelligence de l'âme par la voie vibratoire de son mental et de son émotionnel sur la nature même de son esprit, c'est-à-dire de son intelligence pure. Mais ceci, je vous le dis pour demain. Le troisième outil, un homme qui avance vers la dissolution de l'intelligence de son âme, réalise deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il ne veut plus souffrir. Et la deuxième, qu'il ne peut plus souffrir. Et un homme qui n'a pas réalisé qu'il ne veut plus souffrir et qu'il ne peut plus souffrir n'a pas encore commencé à contempler son identité, n'a pas encore réalisé son identité. Il est encore dans l'éther mental et émotionnel qui lui permet, sur le plan humain, de se nourrir de temps à autre selon les fruits, selon la saison de la mémoire de l'âme. Un homme qui est dans l'intelligence ne veut pas souffrir, ne veut plus souffrir et ne peut plus souffrir. Mais ne peut ne pas vouloir souffrir, ça fait partie de tous les hommes. Aucun homme ne veut souffrir. Mais pas tous les hommes ne peuvent plus souffrir. Différence marquante. Tous les hommes ne veulent pas souffrir. Mais non, tous les hommes ne peuvent plus souffrir. Il y a des hommes qui peuvent encore souffrir. Et seul l'homme qui a souffert, seul l'homme qui est dans l'intelligence, seul l'homme qui n'est plus courroucé, qui n'est plus lié à l'énergie de l'âme, ne peut plus souffrir. Et lorsqu'un homme ne peut plus souffrir, parce qu'il ne veut plus souffrir, et qu'il ne veut plus souffrir parce qu'il ne peut plus souffrir, cet homme a le pouvoir de l'énergie de l'intelligence en lui et il se coupera, il se fera, il se moulera dans la vie humaine, dans la vie planétaire, même sur le plan matériel. Il se fera une case, un environnement, un quelque chose qui lui assurera de ne jamais souffrir pour le restant de ses jours sur le plan matériel, sans compter les autres jours dans l'éther. Alors, si un homme n'a pas réalisé qu'il ne peut plus souffrir, c'est parce que il peut encore souffrir. Et si un homme peut encore souffrir, c'est parce que il n'a pas encore suffisamment d'intelligence en lui qui soit réelle. Alors, là où l'homme souffre, parce qu'il peut encore souffrir, c'est-à-dire là où l'homme souffre, parce que la souffrance ne l'atteint pas dans son intelligence. Cet homme n'est pas dans son intelligence, il est dans l'intelligence de l'âme, et cet homme doit souffrir encore multes années, et il souffrira multes années. Un homme qui est dans son intelligence ne peut plus permettre que descende dans sa vie la souffrance, et que fait-il? Il n'interroge plus ses sentiments. Il ne questionne plus ses pensées parce que les deux font partie de l'intelligence de l'âme. Il crée en lui une colère tellement grande qu'il descend sur la terre les forces de l'invisible. Et ça, c'est la condition de l'homme qui est dans l'intelligence. Et le quatrième outil de l'homme, est directement lié à sa capacité, et ça c'est le dernier des outils, c'est le plus difficile à atteindre, c'est le plus difficile à développer. Le dernier des outils de l'homme, c'est la résistance. Lorsque l'homme résiste à la vie inconsciemment, résister dans le sens de pouvoir absorber les chocs de la vie, selon la nature de sa vie, selon la sensibilité, il peut le faire. Mais vient le jour où l'homme est tellement dans l'intelligence, il est tellement dans la puissance de l'intelligence. Il y a tellement peu en lui de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu en lui d'intellect et d'émotion que cet homme, lorsque vient dans sa vie une condition qui crée la souffrance, cet homme détruit la condition. Et s'il ne détruit pas la condition, il devra encore subir un petit peu, dans un avenir quelconque, une autre souffrance. qui l'amènera, qui le poindra dans le cœur, qui le fera souffrir tellement qu'il détruira toutes les conditions qui créent dans sa vie de la souffrance. Je vous donne, je vous dis ces quatre éléments, ces quatre outils, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, que ce soit dans n'importe quel temps, certains parmi vous sentiront cette énergie extraordinaire de l'intelligence, qui est la fusion de l'intelligence et de la volonté. Et l'homme qui connaîtra cette fusion de l'intelligence et de la volonté sera intouchable par la vie. Il sera intouchable par les hommes et il sera en voie de préparation pour entrer dans des plans d'évolution plus parfaits. Mais le prix, il est toujours le même. Ce que je vous dis peut aider beaucoup de personnes, peut faciliter la vie à beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes peuvent bénéficier sur le plan de l'intelligence de leur âme vis-à-vis de ce que je leur dis. Mais d'autres iront plus loin. D'autres prendront, comprendront ce que je dis et l'amèneront au bout de leur expérience. Et au bout de cette route, au bout de cette expérience, nous nous rencontrerons. Mais dans des conditions autres que celles que nous connaissons aujourd'hui. L'homme n'a qu'un outil sur la terre, la volonté. L'homme n'a qu'un outil sur la terre, c'est la volonté. Et il n'a qu'une vision sur la terre, c'est son intelligence. Et il ne peut pas développer l'une sans l'autre. L'une va avec l'autre. Tous les deux sont de pair. L'homme sur la terre ne s'occupe pas d'amour. Ce n'est pas l'affaire des hommes, l'amour. C'est l'affaire des surhommes. L'homme sur la terre s'occupe d'intelligence et de volonté. Et c'est avec ces deux lames extrêmement aiguës qu'il peut couper la corde qui le lie à l'intelligence de l'âme. À un certain point de son développement, de sa conscientisation, parce que ce n'est pas suffisamment à l'homme d'être conscient. Être conscient, c'est simplement un état d'esprit qui permet à l'homme de réaliser qu'il y a autre chose. Mais l'homme doit être plus que conscient. L'homme doit être intelligent. Il y a des gens conscients que je connais qui ne sont pas intelligents. Et un homme qui est conscient, mais qui n'est pas intelligent, ne peut pas Je vais vous le dire une autre fois, ce que je veux dire. Un homme conscient peut connaître une civilisation neuve. Mais un homme qui n'est pas intelligent dans sa conscience ne peut pas connaître ce que je vous dirai un autre jour. Nous ne sommes plus au stade de la philosophie, de l'imposition des dogmes, de l'imposition des idées. Nous sommes au stade de la révolution de l'esprit. C'est l'esprit de la terre que je révolutionne. C'est l'esprit dans les individus que je révolutionne. Effectivement, je suis un révolutionnaire, mais pas de cette sorte qu'a connu l'histoire. L'homme a besoin de vivre une révolution dans l'esprit pour s'élever complètement au-dessus de l'esprit de la cinquième race. Et ce n'est que dans son propre sanctuaire interne qu'il peut faire l'alchimie des conditions qui sont essentielles à la transmutation de son esprit. Les hommes ont aimé par le passé l'âme, les hommes ont déifié l'âme, les hommes ont élevé à l'âme des tours, ils ont élevé à l'âme des symboles. Et autant les hommes ont aimé l'âme, autant demain, l'âme, sa mémoire, sera vilifiée par ceux qui en connaissent les lois, par ceux qui en ont le pouvoir, par ceux qui en connaissent l'oppression sur le plan humain, par ceux qui savent, par ceux qui sont dans l'intelligence et pour qui les secrets n'existent plus. Alors, vos émotions, vos attitudes psychologiques, toute la fermentation dans le mental, toute la fermentation dans l'émotionnel, ça fait partie de la mémoire de votre âme. Mais nul ne peut veiller à votre évolution que vous-même. On peut vous donner les outils, on peut vous donner les clous, mais vous devez vous-même vous en servir. Je ne sais pas si un jour je ferai ceci ou si je ferai cela. Quand je dis je ne sais pas, je veux dire que je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si un jour je continuerai, que je prendrai tel individu, tel individu, tel individu, tel individu, et je dirai, bon ben, allons, nous allons plus loin dans l'investigation du réel, dans la compréhension du réel. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je dois m'occuper d'abord de tous, pour plus tard peut-être m'occuper de quelques-uns. Mais l'homme doit comprendre que ce qui le sécurise, le détruit. L'homme n'a pas besoin de sécurité. L'homme doit créer sa propre sécurité. L'homme ne doit jamais vivre en fonction du futur. L'homme doit créer son avenir. L'avenir fait partie de la création de l'intelligence. Le futur fait partie des relations avec le passé, et le passé fait partie de la mort, des expériences qui ont déjà servi à la mémoire de l'homme. Alors, le futur de l'homme, comme le passé de l'homme, ça fait partie de la même composition qui, dans son expression, manifeste l'intelligence de l'homme sur le plan matériel. L'homme doit créer son avenir. Il doit comprendre sa destinée. Et pour ceci, pour le faire, il ne peut que vivre de son énergie. Il ne peut jamais laisser de l'émotion ou le souffle de l'émotion ou le souffle du mental interférer avec cette vibration. Parce que il ne peut pas y avoir dans l'homme le vide et le plein. Il y a soit le vide ou soit le plein. Et s'il y a du plein dans l'homme, c'est-à-dire que s'il y a dans l'homme de la pensée subjective, de l'émotivité subjective, il doit le réaliser pour automatiquement aller vers le vide. Et s'il est dans le vide, mais qu'il n'est pas encore parfaitement dans le vide, il se versera dans le vide un peu du plein. Et ceci le forcera à revenir un peu dans l'intelligence de l'âme. Dans le passé de son intellect ou de son émotion, il doit à ce moment-là, puisqu'il a déjà du vide, il doit être suffisamment intelligent pour neutraliser ce plein qui entre dans ton vide et qui essaie de troubler son mental et son émotionnel. L'homme ne peut pas se permettre d'être troublé. Mais si l'homme est troublé, c'est parce qu'il n'a pas encore repoussé le plein qui entre dans son vide. Ce n'est que dans le vide que l'homme est plein réellement. Alors, si l'homme est rempli et qu'il n'a pas le vide, ce qui le remplit, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'ignorance. Ah, il y a un autre ami ici qui a une question. Quand je parle de l'intelligence de l'âme, je parle du pouvoir des forces qui sont dans l'astral. Quand je parle de l'intelligence pure, je parle du pouvoir des forces qui sont dans la lumière. L'âme a sa raison d'être. L'âme est très importante parce que l'âme a permis. Et au fur et à mesure que les incarnations procédaient, pour préparer constamment à des modèles d'évolution de plus en plus perfectionnés. Alors, la mémoire de l'âme était très importante dans le passé. La mémoire de l'âme, la mémoire, que ce soit sur le plan physiologique, matériel, ou que ce soit sur le plan vital, ou que ce soit sur le plan astral, ou que ce soit sur le plan mental, était très importante pour construire le passé. Dans l'avenir, la mémoire n'est plus nécessaire parce que l'homme sera directement connecté à l'intelligence pure. Alors, avant que l'homme soit connecté à l'intelligence pure, il a besoin d'une mémoire parce qu'il a besoin d'une forme d'intelligence qui convienne à son niveau d'évolution. Dans l'avenir, l'homme sera en connexion vibratoire avec l'intelligence pure. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de mémoire parce que tout est su. Alors, l'homme ne fonctionnera plus en fonction du passé, il va fonctionner en fonction d'un présent qui englobe tous les plans d'évolution possibles pour l'humanité ou les autres races. Dans l'avenir, l'âme va servir de canal parce que l'âme, au lieu de servir de mémoire, va servir de champ de force. Là, l'âme, dans le passé, a servi de mémoire pour l'homme, mais elle n'a pas servi de champ de force. C'est pour ça que l'homme n'avait pas de pouvoir sur la matière. Demain, l'âme ne servira plus de mémoire, elle servira de champ de force. Et avec l'âme, il y aura fusion avec le mortel, entre le mortel et l'ajusteur de pensée. Les modèles de l'humanité future seront en fonction de la précision des activités régnantes entre les ajusteurs de pensée et les hommes fusionnés. Parce que dans l'avenir, les hommes vont créer leur propre forme. C'est l'intelligence universelle qui va guider ça. L'âme est simplement le pouvoir de l'homme. L'âme, l'énergie de l'âme deviendra le pouvoir dont se servira l'homme pour concrétiser ces formes-là dans la matière. Mais l'homme a besoin d'intelligence. Alors, autrement dit, l'homme doit être un canal à l'intelligence créative pour qu'il puisse construire des formes suivant les lois d'évolution, de plus en plus perfectionnées, en se servant d'une matière, d'une énergie qu'on appelle l'âme pour concrétiser ces formes-là dans la matière. Pourquoi ce mouvement-là de renverser? Parce que c'est un mouvement de polarité. L'âme a deux fonctions. Une des fonctions de l'âme, c'est de construire la mémoire. Et l'autre fonction de l'âme, c'est de permettre que l'homme se serve de l'énergie, de son énergie, pour spiritualiser la matière. Pour que l'homme spiritualise la matière, il faut qu'il prenne l'énergie quelque part. Il apprend d'où? Il apprend dans l'âme. Mais quand? Quand elle n'a plus de mémoire. Parce que tant que l'âme sert de mémoire, elle est connectée à l'émotion et au mental de l'âme. Quand l'âme ne sert plus de mémoire, elle sert simplement d'énergie et la connexion est entre l'ajusteur de pensée et cette énergie-là sur le plan supramental de l'âme, où la volonté et l'intelligence de l'ajusteur de pensée s'appliquent et l'amour dans les terres. L'âme, c'est comme un tailleur. Quand ton tailleur il est sur le char, t'as un rime, t'as un centre, là. Bon, t'as toute la bébelle. T'as toute la mémoire et l'expérience de la route. Un jour, change de saison. T'enlèves le tailleur, il reste que le ring. Il reste plus rien au centre. Fait qu'au centre, là, t'as que de l'énergie, là. Il n'y a plus de forme, là. Il y a que de l'énergie. C'est ça. Fait que demain, l'âme, ça sera rien qu'une source d'énergie pour l'homme. Mais l'homme, étant fusionné, étant canalisant cette énergie-là, sa relation d'intelligence avec l'ajusteur de pensée pourra se servir de cette énergie avec intelligence Il peut pas se servir de cette énergie-là sans intelligence, il détruira tout. On est des niaiseux. Alors, quand l'homme sera intelligent, autrement dit, qu'il sera plus appauvri dans son intelligence à cause de son lien avec les mémoires de l'âme, qui est le lien expérientiel de l'humanité individuelle et collective, à ce moment-là, l'homme sera dans une intelligence pure. Et quand il prendra cette énergie-là pour travailler avec, il fera des belles choses, au lieu de détruire sa planète et sa race. OK? Bon. Vous savez, on dit souvent dans les anciens textes, qu'à un certain moment, Adam s'est fait présenter à la pomme par Ève, puis je sais pas si c'était à la pomme, en tout cas. Il s'est fait présenter à la pomme par Ève, puis dans la pomme, il y avait un verre, puis c'était le serpent. Moi, je l'explique comme ça. Puis depuis que c'est fait chanter à la pomme, puis qu'il avalait le verre, il y a le tapeworm. Puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Vive la mémoire de l'âme depuis des millénaires, puis des millénaires, puis des millénaires. Éventuellement, ça crée une ingestion. Puis, la nouvelle évolution, le nouveau cycle qui s'en vient, va être extrêmement... Le nouveau cycle qui vient, il sera pas nécessairement facile pour un certain nombre d'hommes. Il va être très plaisant et très intéressant pour bien des hommes. Mais il sera pas facile pour un certain nombre d'hommes parce que il y a un certain nombre d'hommes sur la Terre qui sont suffisamment évolués pour avoir des rapports vibratoires avec l'intelligence universelle suffisamment près pour sentir l'énergie de fusion. Et les hommes qui vont sentir l'énergie de fusion vont être obligés dans l'avenir, dans les années à venir, d'échanger ce que l'âme leur a donné comme mémoire dans le mental et l'émotion pour leur personnalité, pour le bénéfice de leur personnalité, pour le bénéfice de leur existence, pour le bénéfice de ce que la vie peut leur sembler être, ainsi de suite. Ils vont être obligés d'échanger ça pour une sorte de discontinuité entre eux-mêmes et cette mémoire-là. Et c'est cette discontinuité-là, cette séparation-là dans l'homme qui va permettre que prenne naissance sur la Terre la conscience supramentale et aussi que prenne naissance sur la Terre une nouvelle race d'hommes. Des hommes qui ne seront plus influencés du tout par les mémoires, des hommes qui ne seront plus influencés du tout, qui vont être totalement sans cœur. Quand je dis sans cœur, là, je dis être sans cœur, là, ça veut dire être totalement intelligent. Quand tu es totalement dans ton intelligence, tu es absolument sans cœur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fin, puis tu n'es pas bon, puis tu n'as pas du cœur. Ça veut dire que tu as du cœur même quand c'est intelligent. T'es bon hein, quand c'est intelligent de l'être. T'es fin hein, quand c'est intelligent de l'être. Quand c'est pas intelligent d'être bon pis fin pis avoir du cœur, t'es sans cœur. À ce moment-là, t'es intelligent. Sans ça, si t'as du cœur pis t'es bon pis t'es fin pis t'es pas intelligent, là, t'es niaiseux. Pis t'es niaiseux, mais à ce moment-là, tu te fais vampiriser. Pis tu te fais vampiriser, mais là, tu crées en gros toute la grande courroie de l'involution. Fait que tu t'affaiblis ceux qui sont déjà faibles pis toi, tu t'affaiblis encore plus, ainsi de suite. C'est une chaîne sans fin. C'est ça qu'on appelle le mal planétaire. Fait qu'à un certain moment, l'homme, l'individu, qui a son identité, ainsi de suite, faut que lui mette la hache, parce que c'est pas une collectivité qui peut mettre la hache là-dedans, c'est un individu, un homme, qui devient conscient de cette énergie-là, c'est un homme qui peut mettre la hache là-dedans, puis c'est lui qui est le seul juge de cette hache, de ce coup d'hache-là. Il n'y a pas d'autre. Il peut pas demander ça à sa belle-mère s'il devrait mettre le coup d'hache ou non. C'est un lui qui peut lui mettre le coup d'hache, c'est un lui qui est le juge du coup d'hache. Puis quand il juge qu'il faut qu'il mette le coup d'âge, il met le coup d'âge, puis il n'y a plus d'autres tribunaux pour. Il n'y a plus d'autres tribunaux pour lui dire bon, ben, t'aurais pas dû mettre le coup d'âge. C'est lui qui décide finalement. Ça, c'est l'intelligence pure. Mais avant que l'homme puisse mettre le coup d'âge comme ça, avant que l'homme puisse être totalement centré dans son intelligence, il faut qu'il soit totalement dégarni, si vous voulez, de l'intelligence de l'âme qui se réfléchit dans son intellect et dans son émotion. Alors, si on considère que l'humanité est en évolution depuis des millénaires et que ce phénomène a commencé à un certain point, et qu'à un certain point, l'homme est rentré dans la matière, qu'il a perdu contact avec la lumière, puis que là, il a commencé à prendre conscience de sa matière et à interpréter son expérience dans la matière en fonction de certaines vibrations qui venaient de l'âme et qui s'accumulaient à l'âme et qui s'accumulaient à l'âme et qui s'accumulaient à l'âme, parce que l'âme aimait l'expérience de la chair. À ce moment-là, on s'aperçoit que c'était pour le bénéfice de l'âme et c'était pour le bénéfice des modèles d'évolution future que l'homme passe par toutes sortes d'expériences, que l'homme souffre. Mais faut que ça arrête un jour la souffrance sur le globe terrestre. Parce que tant que s'il y a trop de souffrance, tant qu'il y a de la souffrance, il peut pas avoir d'évolution, il peut pas avoir de construction, il peut pas avoir de civilisation, il peut pas avoir de rapport entre l'homme et les galaxies, il peut pas avoir de compréhension de la part de l'homme des phénomènes extraordinaires de vie qui existent dans les plans invisibles qui nous sont aujourd'hui invisibles parce qu'on n'a pas d'œil pour voir. Alors, faut que ça arrête l'évolution, puis l'évolution s'arrête au moment où l'homme commence à complètement couper, à mettre la hache dans la mémoire d'âme. Et ce que j'essaie d'expliquer à soi dans la première partie, c'est ce que j'essaie de vous faire sentir, c'est qu'est-ce que c'est la mémoire d'âme? Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et ils disent, qu'est-ce que c'est la mémoire d'âme? Je sais bien qu'est-ce que c'est ma mémoire, mais la mémoire d'âme. Alors, la mémoire d'âme, c'est ta mémoire. Fait que cherchez pas trop loin. Votre mémoire, c'est votre mémoire d'âme. Seulement, la mémoire d'âme a plusieurs niveaux. Vous vous rappelez, vous avez conscience de votre mémoire d'âme à un certain niveau qui est très, très, très près de votre corps éthérique. Quand vous rêvez le soir, vous allez en astral. Des fois, vous vous rappelez, des fois, vous ne vous rappelez pas ce que vous avez vécu en astral. Des fois, quand c'est suffisamment imprimé dans votre corps éthérique, vous en rappelez le matin, ainsi de suite. Alors, la mémoire d'âme, il y a énormément de matériel dans votre vie que... D'ailleurs, les psychologues, ils disent souvent, ils disent, bon, ben, on voit des choses, puis on les enregistre, puis on ne réalise pas qu'on les enregistre, mais c'est enregistré pareil. Bon, ben, tout ça, ça fait partie de la mémoire d'âme. Alors là, ce que vous avez, vous, en tant que mémoire d'âme, c'est ce qui vous est rappelé, ce qui vous sert fonctionnellement dans la vie. Si les gens recevaient trop de mémoire d'âme, les gens ne pourraient pas fonctionner. Alors, les gens reçoivent un petit peu de mémoire d'âme, et cette mémoire d'âme-là, ça les aide à fonctionner dans la vie. Mais imaginez-vous que l'âme reçoit des impressions au cours de votre expérience. Et toutes ces impressions-là créent des champs de force sur ces plans-là. Et ces champs de force-là servent à l'âme, c'est-à-dire que ce sont des champs de force qui servent à imprimer sur votre personnalité les décisions, les mouvements vibratoires de l'âme sur le plan du mental et sur le plan émotionnel. Alors, c'est évident qu'un homme ne peut pas détruire la mémoire d'âme en éliminant la mémoire d'âme particulièrement. L'homme détruit la mémoire d'âme en faisant descendre dans la matière, dans sa vie, la volonté et l'intelligence pure. La vibration, l'énergie de la volonté et de l'intelligence pure. Mais vous allez dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on sait quand c'est de l'intelligence pure puis quand c'est de la volonté pure? Vous allez le savoir quand vous allez être dans l'énergie. Puis quand est-ce que, puis vous allez dire, bon, mais oui, mais quand j'en sens moi aussi des énergies puis des vibrations puis des vibrations. Qui c'est qui me dit si c'est de la volonté pure puis de l'intelligence pure? Là, je vais vous dire, mais au fur et à mesure que vous conscientisez, au fur et à mesure que cette énergie-là se perfectionne, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure qu'elle est capable de détruire votre mémoire. Alors, plus l'énergie est capable de détruire votre mémoire, moins vous en avez, plus vous allez dans l'intelligence pure et la volonté pure. Fait que c'est pour ça que je dis, comme j'ai dit au séminaire en fin de semaine à Québec, j'ai dit les vieux, là, les gens qui ont 40, 50, 60 ans, là, qui ruminent comme des vaches dans le champ de leur passé. Là. Bon ben, lâchez-les, votre passé. Tu sais que les autres, ils vont aller chercher ça dans le fond de leur culotte là, en 1892. Ils vont te compter comment est-ce qu'ils ont trahi les vaches dans ce temps-là. Puis comment est-ce que la belle-mère a marié le beau-père. Puis comment est-ce que tout le monde a pleuré au mariage. Ils vont te chercher ça, c'est loin. Là. Je suis sûr qu'ils ont un écran de télévision, eux autres, tu sais. Giant Zenith, là, tu sais. T'as même pas besoin de payer ça. Ils vivent dans le passé, puis ils vivent dans le passé, puis ils entretiennent, puis ils vivent de cette mémoire d'âme-là constamment. Hey, on est en 1982. Quel jour aujourd'hui? Suite. On est de suite. On n'est pas tout à l'heure, on est de suite. Puis on vit de suite, puis on sent de suite, puis on pète de suite, puis on mange de suite, on fait l'amour de suite. Pas tout à l'heure, avant. Il faut qu'on vive tout de suite. C'est pas facile de vivre tout de suite. C'est pas facile de vivre tout de suite parce qu'aussitôt que vous vivez tout de suite, vous êtes bien dans votre peau. Puis aussitôt que l'homme vit tout de suite, là, il souffre plus. Qu'est-ce qui arrive la chienne en arrière, la mémoire d'âme? Tu vis tout de suite, là, t'es bien. Tu sais, quand tu vas voir un film, tu vis tout de suite quand tu vas voir un film. Quand tu vas voir un film, pourquoi vous êtes bien? Pourquoi c'est si fort, les films? Parce que les gens s'assient au théâtre, tu penses pas à ta belle-mère quand tu vois James Bond. Comprends-tu? C'est un James Bond que tu vois, puis toutes les gadgets, tu vis, là, tu sais, tout de suite. Mais aussitôt que tu sors du théâtre, là, t'es plus tout de suite, là. Là, tu commences à être triste, tu commences à avoir de la nostalgie. Le gars, il commence à réaliser qu'il a pas fait grand-chose dans sa vie. C'était un plein de marbre. James Bond, de ses gros affaires. La fille dans James Bond, la fille qui sort du théâtre, elle voit la fille dans James Bond, elle dit, moi, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie. Mon mari, c'était pas bon. T'sais, tout ça, là, tu retombes tout de suite dans la mémoire d'or. Il t'accroche demain. Quand, si les gens étaient capables de vivre tout de suite, là, puis toujours tout de suite, chaque instant de suite. Moi, je suis de suite, là, je fonctionne de suite. J'avance, je m'en vais des toilettes. T'es toujours bien. Parce que ça fait partie de ton intelligence créative. Tu sais? Mais aussitôt qu'on arrête, là, on tourne dans le passé, la mémoire d'âme. Les dettes. La job demain matin. Fait que le passé puis le futur, c'est mortel pour l'homme. Ça vaut rien, le passé puis le futur. Toi, tu l'as l'affaire quand tu parlais de ta patente tout à l'heure. Laisse faire le futur, c'est ça. Quand t'as t'inquiété, ça va rien changer. S'il faut que t'as part ta job, tu vas en perdre. S'il faut que t'as gagné, ta garde, tu vas la garder anyway. Tu sais? Mais on c'est de même. Fait qu'on vit en fonction de la mémoire d'âme. Puis on réalise pas que dans la mémoire d'âme est contenu le passé et le futur. Mettez ça dans votre pipe. Le passé et le futur est contenu dans la mémoire d'âme. Fait que lâchez-les le futur, puis lâchez-les le passé. Mais c'est dur de lâcher le passé. Lâcher le futur, c'est plus facile parce qu'on n'a pas tous les ingrédients. On ne connaît pas tous. Mais le passé, on le connaît tous. Puis il y en a qui ruminent. Puis ça rumine. Fait que là, ça commence à se raconter, puis ça se jase. Puis ça se raconte. Puis plus il avance en âge, plus il se raconte. Rendu à 60 ans, là, Charlie, c'est un carrousel. L'intelligence créative, la force qui descend dans le mental, l'émotionnel, le vital, le physique, il n'y en a plus. Fait que rendu à 70 ans, il commence à être comme des petits oiseaux. Puis rendu à 80, c'est des moineaux. Puis là, t'es en terre. Exactement. Des fois, vous entendez parler des gens, là. Il y a des gens, là, on entend des histoires. Eux autres, ils prennent ça aisé. Ils sont pas conscients, mais ça fait partie de leur tempérament. Ils prennent ça aisé. Il n'y a rien là. Il n'y a jamais rien là pour eux autres. T'es regarde, là, ils ont 50 ans, je n'ai vu un à Québec. Là. Il y a 55, peut-être 60 ans, il a les cheveux tout gris, là. Il y a des muscles trois fois gros comme moi, là. Il fait du jogging, puis il fonctionne, le gars, comprends-tu? Mais il vit pas dans le passé. Il vit. Comme on dit, un bon vivant. Ah, automatiquement, c'est rajeuni. C'est rajeuni. Ça nous rend malade de vivre dans le passé, puis vivre dans l'avenir, dans le futur aussi. Il faut construire notre avenir. Moi, je construis mon avenir à tous les jours. Mais je ne vis pas dans le futur. Je le connais, mon avenir. Fait que je le construis. Ça, c'est créatif. Mais vivre dans le futur, là, puis vivre dans le passé, c'est mortel. Ça, c'est vivre de la mémoire d'âme. Essayez, là, d'être chez vous, là, comme ça, là, à rien faire, là. Puis essayez, puis checkez combien de temps, pendant que vous êtes à rien faire, là, ou même si vous êtes à faire quelque chose, checkez combien de temps vous êtes capable d'être parfaitement équilibré. C'est-à-dire, de ne pas avoir aucune, pas avoir cette petite vibration-là qui rentre. Tu sais, la petite vibration qui rentre, là, qui te rappelle ton boss, puis qui te rappelle ta job demain matin. Tu sais, la petite vibration, là, il y en avait tout, vous connaissez ça, vous voyez, là. Il y a un petit, tu sais, c'est un petit mouvement d'énergie qui rentre, là. Ça te met une petite crotte dedans. Alors, si vous êtes capable d'être 2 minutes... 2 minutes, c'est long, 2 minutes. Si vous êtes capable d'être 2 minutes, là, totalement en dehors de cette vibration-là, là, bon, mais c'est ça, être dans son équilibre, dans l'énergie, en dehors de la mémoire d'art. Mais elle va vous accrocher. Tu vas voir, il y a une petite vibration. Mais à ce moment-là, quand vous sentez cette petite vibration-là qui entre, faut que vous soyez suffisamment conscient pour la couper net. Cette image dedans. Pas la laisser entraîner. Là, va rentrer dans le mental, puis là, vous allez commencer à y penser, puis ensuite, ça va affecter l'émotionnel, le mental, puis l'émotionnel. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous comprenez? Vous n'êtes pas bien. Il y a toujours comme une petite craque. Tu sais, l'été, quand il n'y a pas de vent dans le désert, il n'y a pas de vent, t'entends le silence, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Aussitôt que tu sors du désert, il y a toujours une petite brise. Bon, ben, la mémoire d'âme, c'est toujours une petite maudite brise. Tout le temps, là. Tout le temps. Le téléphone sonne, le cœur te pompe. Tu sais pas si c'est le gars qui t'appelle pour une dette. Tu sais, il y a toujours la mémoire. Tu rouvres tes lettres. Il y a des gens qui rouvrent leurs lettres, ils ont toutes, ils viennent toutes mal, la lettre. Ils savent pas si c'est un gars qui doit, s'ils leur doivent quelqu'un ou si le gouvernement, ils savent rien. Ils sont tous énervés. Jusqu'à temps qu'ils ont vu ces dunes qui leur envoient un crédit, là, ils sont contents, ils relaxent. Toujours le même. Fait qu'on perd de l'énergie, bon, Bon, ben, perd de l'énergie comme ça pendant 50, 60, 70 ans. Comment est-ce que tu veux, rendu à ce bout-là, d'être encore dans ta force? Tu peux pas. Tu l'as perdu. La mémoire d'âme, c'est ce qui est de plus mortel chez l'âme. La mémoire d'âme, c'est le pain noir de l'âme. C'est le pain noir de l'âme. La mémoire d'âme, c'est la réalité dont... C'est la réalité que je haïs avec toute mon intelligence et que je vais détruire avec toute mon intelligence. La mémoire d'âme. Mon enseignement, mon instruction mondiale, c'est ça. Ça revient à tout, à détruire la mémoire d'âme. Je vais le faire de toutes sortes de façons. Mais pour détruire la mémoire d'âme. Je hais la mémoire d'âme. Parce que pour moi, la mémoire d'âme, c'est le contrôle sur l'âme. Par des forces qui sont dans l'invisible. Je vous ai parlé à l'invisible encore. Vous rêvez à votre belle-mère qui est morte, mais vous êtes parlé dans le monde de la mort. Vous savez pas ce que c'est le monde de la mort. Ce que vous voyez à travers votre corps astral, c'est pas le monde de la mort. C'est une réflexion des pensées de la mémoire d'âme de cette personne-là. Vous n'avez pas la liberté d'aller à ce moment-là. Mais quand vous irez dans le monde de la mort, vous verrez que c'est pas un cadeau. Même si vous allez, c'est au plan. Il y en a qui vont dans le monde de la mort, là, au niveau astral, puis qui rencontrent les maîtres, qui sont crevés, puis toute la gang, là. Puis c'est beau, là, tu sais. Des beaux palais, puis des beaux nuages, puis c'est cute. Ça fait encore partie des mécanismes astro de l'âme sur l'âme. Moi, j'ai déjà commandé à un mort. De faire un trou dans mon mur. Un trou à peu près gros comme ça. J'ai dit là, je veux que tu fasses un trou dans mon mur. Fait que là, le mur a commencé à brûler. Il a fait un trou. Puis là, j'ai dit, dans le trou, là, j'ai dit, mets ton visage dans le trou. Puis dans le trou, là, son visage a apparu. Puis la limite matérielle du trou que j'avais montré, là, ici, là, c'était la limite de son pouvoir sur la matière. Et la limite de son pouvoir sur la matière, il était délimité par moi. C'est moi qui disais, fais un trou, là, ici, là. Pas comme tu veux, là. Un trou ici, de cette grandeur-là. Fais-moi un trou, mets ta face dedans, comme elle. Il a fait le trou, il a brûlé le mur, puis la face est apparue ici. Puis quand il a eu fini ça, là, j'ai dit, rebouche le trou, il a tout rebouché le trou. Il est retourné dans son monde. Pour vous montrer jusqu'à quel point l'homme qui est dans la vie a le contrôle de l'homme qui est dans la mort. Alors, les hommes sur la terre, les hommes dans la vie de la terre, doivent comprendre ce que j'essaie de dire. Parce que moi, je suis pas dans la vie de la terre. Je suis venu dans la vie pour la terre. Mais je suis pas dans la vie de la terre. Alors, j'essaie de faire comprendre aux hommes que la mémoire de l'âme, c'est mortel. Et tous les morts vous le diront par communication télépathique. Que c'est mortel. Quand on est dans l'intelligence, on a le pouvoir de retenir l'information, de retenir le réel. Parce que ça fait partie de l'intelligence. Mais quand on est dans le monde de la mort, on n'a pas le pouvoir de retenir l'information.